les ravages. 1. La termitière, telle qu'elle s'étend et se multiplie dans son paysage tropical, avec ses lois d'airain incroyablement ingénieuses, sa vitalité, sa fécondité formidable, serait un danger pour le genre humain et couvrirait bientôt notre planète si le hasard, ou je ne sais quel caprice de la nature, généralement à notre égard moins clémente, n'avait voulu que l'insecte soit très vulnérable et extrêmement sensible au froid. Il ne peut vivre sous un climat simplement tempéré. Il lui faut, comme je l'ai déjà dit, les régions les plus chaudes du globe. Il a besoin d'une température qui va de 20 à 36 degrés. Au-dessous de 20, sa vie s'arrête. Au-dessus de 36, ses protozoaires périssent et il meurt d'inanition. Mais là où il peut s'installer, il exerce de terribles ravages. Termes utriusque indiae calamitas summa, disait déjà Linné. Il n'y a pas, sur les parties chaudes et tropicales de la surface de la Terre, une famille d'insectes dont les membres mènent une guerre aussi incessante contre l'œuvre de l'homme, ajoute W. Froggatt, qui les connaît mieux que personne. Les maisons croulent, intérieurement rongées de la base au sommet. Les meubles, le linge, les papiers, les vêtements, les chaussures, les provisions, les bois, les herbes disparaissent. Rien n'est à l'abri de leurs dépradations qui ont quelque chose d'effarant et de surnaturel, parce qu'elles sont toujours secrètes et ne se révèlent qu'à l'instant du désastre. De grands arbres qui semblent vivants et dont l'écorce est scrupuleusement respectée tombent d'une pièce lorsqu'on y touche. À Sainte-Hélène, deux agents de police causent sous un énorme mélia couvert de feuilles. L'un d'eux s'adosse au tronc et le gigantesque fébrifuge, complètement pulvérisé à l'intérieur, s'abat sur eux et les couvre de ses débris. Parfois, le travail destructeur s'accomplit avec une foudroyante rapidité. Un fermier du Queensland laisse un soir sa charrette dans un pré. Le lendemain, il n'en retrouve que les ferrures. Un colon rentre dans sa maison après 5 ou 6 jours d'absence. Tout y est intact. Rien n'y paraît changé et ne révèle l'occupation de l'ennemi. Il s'assoit sur une chaise, elle s'effondre. Il se rattrape à la table, elle s'aplatit sur le sol. Il s'appuie à la poutre centrale, elle croule en entraînant le toit dans un nuage de poussière. Tout a l'air machiné par un génie facétieux, comme dans une féerie du Châtelet. En une nuit, il dévore sur son corps et pendant son sommeil la chemise de Smithman qui campe à proximité d'un de leurs nids afin de l'étudier. En 2 jours, malgré toutes les précautions prises, ils anéantissent les lits et les tapis d'un autre termitologue, le docteur Heinrich Barth. Dans les épiceries de Cambridge, en Australie, tous les articles en magasin deviennent leur proie. Jambon, lard, pâtes, figues, noix, savon s'évanouissent. La cire ou les capsules d'étain qui coiffent les bouteilles sont percées afin d'atteindre les bouchons et les liquides s'écoulent. Le fer blanc des boîtes de conserve est scientifiquement attaqué. Ils râpent d'abord la couche d'étain qui le couvre et tendent ensuite sur le fer mis à nu un suc qui le rouille, après quoi ils le percent sans difficulté. Ils perforent le plomb, quelle qu'en soit l'épaisseur. On croit mettre en sûreté les malles, les caisses, les objets de literie en les posant sur des bouteilles renversées, dont le goulot est fiché dans le sol, parce que leurs petites pattes n'y trouvent pas de prise. Au bout de quelques jours, sans qu'on y prenne garde, le verre est érodé comme par une meule d'émeri, et ils vont et viennent tranquillement le long du col et de la panse de la bouteille, car ils sécrètent un liquide qui, dissolvant les silices contenus dans les tiges herbacées dont ils font leur nourriture, attaque également le verre. Ainsi s'explique du reste l'extraordinaire solidité de leur ciment qui est en partie vitrifié. Parfois, ils ont des fantaisies dignes d'un humoriste. Un voyageur anglais, Forbes, raconte dans les Oriental Memoirs que rentrant chez lui, après quelques jours passés chez un ami, il trouve toutes les gravures qui ornaient ses appartements complètement rongées, ainsi que les cadres dont il ne reste plus trace. Mais les glaces qui les recouvraient sont demeurées en place, soigneusement fixées au mur par du ciment, afin apparemment d'éviter une chute dangereuse ou trop retentissante. Il leur arrive d'ailleurs de consolider à l'aide de ce ciment, en ingénieur prévoyant, une poutre qu'ils ont rongée trop profondément et qui menace de se rompre avant la fin de leur expédition. Tous ces ravages s'accomplissent sans qu'on aperçoive âme qui vive. seul, en y regardant de près, un petit tube d'argile dissimulé dans l'angle de deux murs ou courant le long d'une corniche ou d'une plinthe et qui communique avec la termitière révèle la présence et l'identité de l'ennemi. Car ces insectes qui n'y voient pas ont le génie de faire ce qu'il faut pour qu'on ne les voie point. Le travail s'exécute en silence et il n'est qu'une oreille avertie qui reconnaisse dans la nuit le bruit de millions de mâchoires qui dévorent la charpente d'une maison et présagent sa ruine. Au Congo, à Elisabethville par exemple, leurs inévitables ravages sont prévus par les architectes et les entrepreneurs qui augmentent de 40% les devis à cause des précautions à prendre. Dans la même région, les traverses de chemin de fer, complètement rongées, doivent être remplacées chaque année, ainsi que les poteaux télégraphiques et la charpente des ponts. De tout vêtement laissé dehors durant une nuit, il ne reste que les boutons de métal, et une hutte d'indigènes dans laquelle on ne fait pas de feu ne résiste pas plus de 3 ans à leurs attaques. 2. Voilà leurs méfaits domestiques et habituels, mais parfois ils travaillent en grand et étendent leurs ravages à une ville, à une contrée entière. En 1840, un négrier capturé et dématé introduit à Jamestown, capitale de l'île de Sainte-Hélène, le Termes tenuis, petite ermite du Brésil, à soldat nasicorne ou à seringue, qui détruit une partie de la ville qu'on est obligé de rebâtir. Elle ressemblait, dit son historiographe attitré, J.C. Mélis, à une cité ravagée par un tremblement de terre. En 1879, un navire de guerre espagnol est anéanti par le Termes d'Ives, dans le port du Ferrol. Les annales de la Société entomologique française, série 2, 1851, tome 9, citent une notice du général Leclerc où il est dit qu'en 1809, les anti-françaises ne purent se défendre contre les Anglais parce que les termites avaient dévasté les magasins et rendu inutilisables les batteries et les munitions. On pourrait indéfiniment allonger la liste de leurs crimes. J'ai déjà dit qu'ils rendaient incultivables certaines parties de l'Australie et de l'île de Ceylan, où l'on a renoncé à la lutte. En l'île de Formose, le Coptothermes formosus chicari ronge jusqu'au mortier et fait crouler les murs qui ne sont pas cimentés. Il semble pourtant à première vue que, vulnérables et fragiles comme ils sont, et ne pouvant vivre que dans l'ombre de leur termitière, il suffirait de détruire leur coupole pour s'en débarrasser. Mais on dirait qu'ils sont déjà prêts à parer l'attaque inattendue, car on constate que dans les pays où l'on fait sauter à la poudre leurs superstructions, qui ensuite sont constamment nivelées par la charrue, ils n'édifient plus de monticules, se résignent, comme les fourmis, à une vie tout à fait souterraine et deviennent insaisissables. La barrière du froid a jusqu'ici protégé l'Europe, mais il n'est pas certain qu'un animal aussi plastique, aussi prodigieusement transformable, ne réussisse pas à s'acclimater chez nous. Nous avons déjà vu par l'exemple des termites landais qui y sont plus ou moins parvenus, au prix, il est vrai, d'une pitoyable dégénérescence qui les rend plus inoffensifs que la plus inoffensive des fourmis. C'est peut-être une première étape. En tout cas, les annales entomologiques du siècle dernier relatent longuement l'invasion de quelques villes de la Charente inférieure, notamment Sainte, Saint-Jean d'Angély, Tonnet-Charente, l'île d'Aix et surtout La Rochelle, par de véritables termites tropicaux importés de Saint-Domingue, à fond de cale, parmi des détritus végétaux. Des rues entières furent attaquées et sournoisement minées par l'insecte pullulant et toujours invisible. Tout La Rochelle fut menacé d'envahissement et le fléau ne fut arrêté que par le canal de la Verrière qui met en communication le port et les fossés. Des maisons s'effondrèrent, il fallut étançonner l'arsenal et la préfecture. Et l'on eut un jour la surprise de découvrir que les archives et toute la paperasserie administrative étaient réduites en débris spongieux. Des faits analogues se produisirent à Rochefort. L'auteur de ces dévastations était un des plus petits termites que l'on connaisse, le Termes lucifugus, long de 3 ou 4 millimètres.